Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. 10e épisode. Alors que je sentais que Mrs. Dean arrivait à la fin de son récit sur la vie de Heathcliff, je la pressai de m'en raconter le dénouement tant cette tragédie m'avait tenu en haleine. Elle me dit que Catherine et le jeune Linton, dont les forces s'amenuisaient, avaient réussi à obtenir d'Edgar Linton de se retrouver sur la lande, tous les jours, à mi-chemin entre les deux maisons et en présence de Mrs. Dean. C'est alors que toutes deux furent piégées par Heathcliff qui manipula son fils pour qu'il les attire à Hurlevent. Là, il les séquestra et obligea Catherine à épouser le jeune Linton mourant. Son dessein était d'hériter, par cette union, du manoir de la Grive et de tous les biens d'Edgar Linton qu'il savait gravement malade. Après plusieurs jours, Mrs. Dean réussit à s'échapper et courut au manoir informer son maître que la jeune Catherine était saine et sauve, retenue de force à Hurlevent par un Heathcliff déchaîné. Quand j'atteignis le manoir, je voulus annoncer moi-même à Mr. Edgar que Catherine était sauve. Comme je le trouvais changé après ces quelques jours. Il était couché, image de la tristesse et de la résignation, attendant la mort. Catherine va venir, mon cher maître. Elle est en vie, bien portante. J'espère qu'elle sera là ce soir. Je tremblais aux premiers effets de cette nouvelle. Il se redressa à demi, jeta un regard ardent autour de la chambre, puis tomba évanoui. Dès qu'il eut repris connaissance, je lui relatai notre visite forcée, notre détention à Hurlevent, omettant volontairement certains détails. Sur ses ordres, je dépêchai bientôt 4 hommes armés en conséquence pour réclamer ma jeune maîtresse à son geôlier. Mais il revint seul, apportant la nouvelle que Catherine était trop malade pour quitter sa chambre et que Heathcliff ne leur avait pas permis de la voir. Je décidai d'emmener à l'aube toute une escouade à Hurlevent et de prendre littéralement la maison d'assaut si l'on ne nous délivrait pas de bon gré la prisonnière. Heureusement, cette expédition me fut épargnée. J'étais descendu à 3 heures du matin chercher une cruche d'eau et je traversais le vestibule quand un coup nettement frappé à la porte d'entrée me fit sursauter. Oh, Piscati, mon chéri. Mélie, est-ce que papa est vivant? Oui. Oui, mon ange, il est vivant. Dieu merci. Vous voilà sauve et revenu parmi nous. Je monte le voir. Non, asseyez-vous d'abord. Et buvez un peu d'eau. Je préfère monter la première pour annoncer votre arrivée. Je vous en prie, dites à votre père que vous serez heureuse avec le jeune Heathcliff. Je vous le promets, jeune ami. Je ne pus prendre sur moi d'assister à leur rencontre. Je restai un quart d'heure à la porte de la chambre, après quoi j'osais à peine m'aventurer près du lit. Tout était calme cependant. Le désespoir de Catherine était aussi silencieux que la joie de son père. Elle le soutenait avec une sérénité apparente, et lui tenait fixé sur les traits de sa fille ses yeux levés, qui semblaient dilatés par l'extase. Il mourut dans la félicité, car c'est ainsi qu'il mourut. Lui baisant la joue, il murmura « Je vais la rejoindre. Et toi, mon enfant chéri, tu viendras nous retrouver. » Le soir des funérailles, ma jeune maîtresse et moi étions assises dans le salon quand un domestique entra précipitamment et annonça que ce démon de Heathcliff traversait la cour. Il ne prit pas la peine de frapper ou de s'annoncer. Il était le maître et il se prévalut du privilège du maître pour entrer tout droit sans dire un mot. Où allez-vous, Mrs. Linton Heathcliff? fut d'escapade. Je suis venu pour vous ramener à la maison. J'espère que vous serez une fille soumise et que vous n'encouragerez pas mon fils à désobéir de nouveau. Que vous aimiez ou non votre précieux époux, il faut que vous veniez. C'est votre affaire à présent. Je vous abandonne tout l'intérêt que je lui porte. Faites vite et préparez-vous. Ne m'obligez pas à vous contraindre. Je viendrai. Linton est tout ce qu'il me reste à aimer au monde. Et je vous défie de lui faire du mal en ma présence. Et puis je sais qu'il m'aime. Vous, Mr. Heathcliff, vous n'avez personne pour vous aimer. Personne ne pleurera quand vous mourrez. Allez-vous-en, sorcière, et préparez vos affaires. Une fois Catherine sortie, pour la première fois, Heathcliff s'accorda le loisir de jeter un regard autour de la pièce. C'était la même que celle où il avait été introduit comme un hôte 18 ans auparavant. Il s'approcha des deux portraits qui étaient au mur et étudia celui de Mrs. Linton. Je prendrai cela chez moi. Non que j'en ai besoin, mais... Je vais vous dire ce que j'ai fait hier. J'ai ordonné au fossoyeur qui creusait la tombe d'Edgar Linton d'enlever la terre du couvercle de son cercueil à elle. Et je l'ai ouvert. Quand j'ai revu son visage, c'est toujours son visage. L'homme a eu beaucoup de mal à me faire bouger. Mais il m'a dit que ce visage s'altérerait sous l'effet de l'air. Alors, j'ai décloué un des côtés de son cercueil, que j'ai replacé ensuite. Puis j'ai soudoyé le fossoyeur pour qu'il enlève ce même côté quand je serai couché là. Et qu'il fasse la même chose à mon cercueil, que je ferai fabriquer en conséquence. Quelle perversité, Mr. Heathcliff. N'avez-vous pas eu honte de troubler les morts? Je n'ai troublé personne, Nelly. Et je me suis donné à moi-même quelque apaisement. La déranger? Non. C'est elle qui m'a dérangé nuit et jour pendant 18 ans. Jusqu'à la nuit dernière où enfin j'ai été tranquille. J'ai rêvé que je dormais de mon dernier sommeil à côté d'elle. Mon cœur immobile contre le sien et ma joue glacée contre la sienne. Vous savez que j'ai été comme fou après sa mort. Et que nuit après nuit, je priais pour que son esprit revînt à moi. Le soir de son enterrement, je suis allé au cimetière. Il faisait un vent glacial comme en hiver. Tout était solitaire alentour. Étant seul, et sachant que deux pieds de terre meuble étaient la seule barrière qui nous sépara, je me suis dit, je veux la prendre encore une fois dans mes bras. Si elle est froide, je me dirai que c'est moi qui suis glacé par le vent du nord. Si elle est immobile, je me dirai qu'elle dort. J'ai pris une bêche dans la cabane à outils et je me suis mis à creuser de toutes mes forces. J'étais sur le point d'atteindre mon but quand il m'a semblé entendre le soupir de quelqu'un qui aurait été au-dessus de moi, près du bord de la tombe, et qui se serait penché. J'ai travaillé avec une fureur redoublée. Il y a eu un autre soupir, tout près de mon oreille. Il m'a semblé sentir son souffle chaud qui déplaçait le vent chargé de grésil. Je savais qu'il n'y avait là aucun vivant de chair et d'os, mais j'ai senti que Cathy était là. Pas au-dessous de moi, mais sur la terre. Je sentais sa présence. Elle est restée pendant que je comblais la tombe, et elle m'a accompagné à hurlevent. Je regardais impatiemment autour de moi. Je pouvais presque la voir, et pourtant je ne la voyais pas. J'ai dû suer le sang alors, tant était vive l'angoisse de mon désir pour l'apercevoir. Je ne l'ai pas aperçue. Elle s'est révélée comme si souvent dans sa vie, un démon pour moi. Et depuis lors, tantôt plus, tantôt moins, j'ai été le jouet de cette intolérable torture. Je suis prête. Envoyez-moi ce portrait demain, Nelly. Quant à vous, suivez-moi. Au revoir, Nelly. Depuis que ma petite maîtresse est partie avec son nouveau beau-père, j'ai fait une visite à Hurlevent, mais je n'ai pas revu Catherine. Zilla, leur servante, m'a raconté comment vont les choses, sans quoi je ne saurais pas qui d'entre eux est mort ou vif. La première chose qu'ait faite Mrs. Heathcliff en arrivant à Hurlevent, m'a-t-elle dit, a été de courir en haut sans même leur souhaiter le bonsoir à elle et à Joseph. Elle s'est enfermée dans la chambre de Linton et elle y est restée jusqu'au matin. Puis, tandis que le maître et Earnshaw étaient à déjeuner, elle est entrée dans la salle et elle a demandé toute tremblante si l'on pouvait aller chercher le docteur. Linton est très mal. Je suis sûre qu'il est mourant. Nous savons ça. Mais sa vie ne vaut pas un liard. Et je ne dépenserai pas un liard pour lui. Mais si personne ne veut m'aider, il va mourir. Personne ici ne se soucie de ce qui peut bien lui arriver. Si vous vous y intéressez, faites l'infirmière. Sinon, enfermez-le dans sa chambre. Laissez-le. Bon, comme je te le disais, enfin, une nuit, elle est entrée résolument dans ma chambre. Zilla, qu'est-ce qui se passe? Prévenez Mr. Heathcliff que son fils est mourant. J'en suis sûre cette fois-ci. J'arrive. Je fis au maître la commission de Catherine. Il poussa un juron, sortit avec une chandelle allumée et gagna leur chambre. Mrs. Heathcliff était assise au chevet du lit, les mains croisées sur ses genoux. Son beau-père s'avança, éclaira le visage de son fils, le regarda et le toucha. Après quoi, il se tourna vers elle. Eh bien, Catherine, comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous, Catherine? Il est en sûreté et je suis libre. Je devrais me sentir bien. Mais vous m'avez laissé si longtemps lutter seule avec la mort que je ne sens et ne vois que la mort. Je lui donnai un peu de vin. Buvez. Ayrton et Joseph, qui nous avaient entendu parler du dehors, entrèrent à ce moment. Joseph était content, je crois, que le jeune garçon s'en fût allé. Ayrton semblait troublé un bras, quoiqu'il fût plus occupé à regarder Catherine qu'à penser à Linton. Après que le corps de son mari fut emporté, Catherine resta en haut 15 jours, selon Zilla qui allait la voir 2 fois par jour. Heathcliff monta une fois pour lui montrer le testament de Linton. Celui-ci avait légué à son père toute sa fortune, plus celle de Catherine. Ainsi se termina l'histoire de Mrs. Dean. Quant à moi, je quittais bientôt le manoir, informant mon propriétaire que je passerais à Londres les 6 prochains mois et que, si cela lui plaisait, il pouvait chercher un autre locataire pour occuper les lieux après octobre. Je ne voulais passer un autre hiver ici pour rien au monde. Un an après, en septembre 1802, je faisais route vers la demeure d'un ami dans la région du Nord, quand je me trouvai sans m'y attendre à 15 milles de Gimmerton. Le désir soudain me prit de revoir Hurlevent et ses habitants. Il faisait déjà nuit quand j'arrivai en vue de la demeure de Mr. Heathcliff. Portes et fenêtres, tout était ouvert. Et cependant, un beau feu rougeoyant illuminait la cheminée. Les occupants de la salle s'étaient installés non loin d'une des fenêtres. Je pus les voir et les entendre parler avant d'entrer. Contraire, c'est la 3e fois qu'encre. Je ne te le répéterai plus. Oublie-le encore et je te tire les cheveux. Eh bien, contraire. Et maintenant, embrasse-moi pour m'être si bien souvenu. Non, redis d'abord correctement. Sans une seule faute. Le possesseur de la voix mâle se mit à lire. Soleil. C'était un jeune homme convenablement habillé et assis à une table, avec un livre devant lui. Ses beaux traits rayonnaient de plaisir. et à tout moment ses yeux se détachaient impatiemment de la page pour se porter sur une petite main blanche posée sur son épaule. Celle à qui elle appartenait se tenait derrière lui, ses boucles claires et soyeuses se mêlant parfois aux boucles brunes de l'élève quand elle se penchait pour surveiller son travail. La tâche fut terminée, non sans d'autres bévues, mais l'élève réclama sa récompense et reçut au moins 5 baisers, que toutefois il rendit généreusement. Et je jugeai à leur conversation qu'ils allaient sortir pour se promener sur la lande. Je contournai subrepticement la maison. Devant la porte de la cuisine était assise ma vieille amie Nelly Dean. Dieu vous bénisse, Mr. Lockwood. Comment avez-vous pu songer à nous revenir ainsi? Et vous, Mrs. Dean, comment avez-vous été transplantée ici? Zilla est partie. Sur quoi Mr. Heathcliff a voulu que je revienne peu après votre départ pour Londres. Mais entrez, je vous en prie. Je viens de voir Catherine et son cousin Ayrton. Quel changement chez l'un et l'autre? Ils me semblent s'entendre parfaitement à présent, dites-moi. Oui. Qui aurait dit, Mr. Lockwood, que les ennemis de jadis deviendraient des alliés jurés et que leur intimité ne cesserait de grandir au fil des jours? Figurez-vous que ma jeune maîtresse, après l'avoir évité pendant longtemps, s'est entichée de son cousin et s'est donné le rôle de professeur auprès de lui. Elle s'est mise en tête de le civiliser. Et leurs deux esprits tendant au même but, l'une aimant et désirant estimer, l'autre aimant et désirant être estimé, ils sont finalement parvenus à l'atteindre. Et Mr. Heathcliff? Ah, je vois que vous n'avez pas entendu parler de sa mort. Heathcliff, mort? Depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Mais asseyez-vous et laissez-moi tout vous raconter. Un soir, alors que Catherine et Ayrton venaient de quitter la salle, Mr. Heathcliff s'est mis à me parler. Un étrange changement se prépare, Nelly, qui déjà m'enveloppe comme une ombre. Je prends si peu d'intérêt à ma vie de tous les jours que je me souviens à peine de boire et de manger. Ayrton et Catherine sont les seuls objets qui aient pour moi une apparence de réalité bien définie. Et cette apparence me cause une douleur qui va jusqu'à l'angoisse. D'elle, je ne parlerai pas. Mais je voudrais intensément qu'elle fût invisible. Sa présence ne fait qu'éveiller des sensations qui me rendent fou. Lui provoque en moi des émotions différentes. Il m'apparaît comme une incarnation de ma jeunesse. Et non comme un être humain. Et puis sa ressemblance frappante avec Cathy le relie terriblement à elle. Mais qu'est-ce qui n'est pas relié à elle? Qu'est-ce qui ne me la rappelle pas? Dans chaque nuage, dans chaque arbre, dans chaque objet, son image est là, qui m'entoure. Mais qu'entendez-vous par un changement, Mr. Heathcliff? Je ne le saurais pas avant qu'il survienne. Je n'en ai conscience qu'à demi pour le moment. Vous ne vous sentez pas malade, n'est-ce pas? Non, Nelly. Nullement. Et pourtant, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Il faut que je me souvienne de respirer. Que je rappelle presque à mon cœur de battre. Je n'ai qu'un désir, auquel je tente de tout mon être. Il a dévoré mon existence. Et je suis englouti dans l'attente de son accomplissement. Oh mon Dieu! Que cette lutte est longue! Comme je voudrais qu'elle fût finie. Pendant les quelques jours qui suivirent cette soirée, Mr. Heathcliff ne vint pas au repas. Manger une fois en 24 heures semblait lui suffire. Une nuit, alors que toute la famille était allée se coucher, je l'entendis descendre et sortir par la porte de devant. Au matin, je constatai qu'il n'était pas là. Il revint après le petit déjeuner, le teint exsangue, avec dans ses yeux une étrange lueur joyeuse qui changeait toute sa physionomie. Il ne quitta plus la maison de la journée et personne ne vint troubler sa solitude jusqu'au moment où, à 8 heures, je jugeai opportun de lui apporter une chandelle et son souper. Il était dans la salle, appuyé contre le rebord d'une fenêtre ouverte, mais sans regarder au dehors et le visage tourné vers l'obscurité du dedans. Dois-je fermer la fenêtre, Mr. Heathcliff ? Comme je disais ces mots, la lumière tomba sur ses traits. Je ne saurais exprimer quel terrible choc me donna cette vision d'un moment. Ses yeux noirs profondément creusés, ce sourire et cette pâleur sinistre. Je crus voir, non pas Mr. Heathcliff, mais un spectre. Est-ce un vampire ? Me demandai-je quand je fus retournée dans ma chambre. Puis je réfléchis que je l'avais soigné dans son enfance, que je l'avais vu grandir, que je l'avais suivi pendant presque toute son existence, et que c'était une absurdité de céder à ce sentiment d'horreur. Mais d'où venait-il, ce petit être noireau recueilli par un brave homme pour son malheur ? Murmura la superstition tandis que je m'assoupissais. L'aube me rendit mon bon sens. Je préparai le déjeuner pour la maisonnée, mais je dis à Ayrton et Catherine de prendre le leur avant que le maître fût descendu. Quand Heathcliff arriva, je mis un bol de café devant lui. Il l'attira plus près, puis posa ses bras sur la table et regarda, me sembla-t-il, le mur d'en face, avec des yeux étincelants. Allons manger et buvez pendant que c'est chaud. Mr. Heathcliff, pour l'amour de Dieu ! N'ouvrez pas ces grands yeux comme si vous aviez une vision surnaturelle. Ne criez pas si fort. Retournez-vous et dites-moi si nous sommes seuls. Bien sûr que nous sommes seuls. Malgré tout, je lui obéis involontairement. Je me rendis compte alors que ce n'était pas le mur qu'il contemplait, mais quelque chose qui devait être à 2 pieds de distance. Et quelle que fût cette chose, elle lui causait apparemment ensemble un plaisir et une douleur extrême. De plus, l'objet imaginaire n'était pas fixe. Ses yeux le poursuivaient avec une vigilance inlassable. Et même quand il me parlait, ne s'en détachait jamais. Ce soir-là, Mr. Heathcliff sortit de la maison et ne revint qu'après minuit. Je l'entendis entrer dans sa chambre. Toute la nuit, il plut à verse jusqu'à l'aube. Et en faisant ma ronde matinale autour de la maison, je remarquai que la fenêtre du maître était grande ouverte et que la pluie fouettait à l'intérieur. « Il ne peut pas être au lit, pensais-je, sans quoi il serait trempé jusqu'aux os. » Je me précipitai, la chambre était vide. J'ouvris les panneaux du lit. Il était là, étendu sur le dos, raide mort. Ses yeux rencontrèrent les miens, si perçant et si farouche que je tressaillis. Son visage et sa gorge étaient ruisselants de pluie. Il paraissait sourire. Nous l'enterrâmes au cimetière, comme il l'avait désiré, au scandale de tout le voisinage. Earnshaw et moi, le fossoyeur, et 6 hommes pour porter le cercueil formèrent toute l'assistance. Les 6 hommes se retirèrent quand ils l'eurent déposé dans la tombe. Nous restâmes pour le voir recouvrir. Le visage de Ayrton ruisselait de larmes. Écoutez-les tous les deux, Mr. Lockwood. Savez-vous qu'il vaut bientôt se marier, s'installer au manoir? Et qui habitera ici, alors? Eh bien, Joseph prendra soin de la maison. Il vivra dans la cuisine, où on fermera le reste. À l'usage des fantômes qui feront choix de l'habiter? Non, Mr. Lockwood. Je crois que les morts reposent en paix, et ce n'est pas bien de parler d'eux avec légèreté. Comme les deux jeunes gens s'arrêtaient pour jeter un dernier regard à la lune, ou plus exactement pour se regarder l'un l'autre à sa lueur, je glissai un souverain dans la main de Mrs. Dean et disparus au moment où ils ouvraient la porte de la maison. Merci, Mr. Lockwood. Adieu, Mrs. Dean. Bonne route, Mr. Lockwood. Je décidai de poursuivre ma route en direction de l'église. Je cherchais et découvrit bientôt les trois pierres tombales sur la pente voisine de la lande. Celle du milieu, grise et à demi enfouie dans la bruyère. Celle d'Edgar Linton, ornée seulement de l'herbe et de la mousse qui croissait à son pied. Celle de Heathcliff encore nue. Je m'attardai autour de ces tombes, sous le ciel clément, observant les papillons de nuit qui voltigeaient parmi la bruyère et les jacinthes, écoutant la brise légère qui palpitait dans l'herbe, et m'étonnant que quiconque pût prêter un sommeil troublé à ceux qui dormaient dans cette terre tranquille. Les hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë. 10e épisode. Traduction Pierre Léris. Adaptation Juliette Eman. Avec Clotilde Mollet, Mrs. Dean, Guillaume Durieux, Heathcliff, Laurent Cléry, Lockwood, Leslie Menu, Catherine, Arnaud Aldiger, Edgar Linton, Jean-Claude Frisson, Joseph, Amélie Jallier, Zila, Sylvain de Guillaume, Ayrton. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissons. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Leu. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.